chaque chapelet qui est coiffé, chaque l'église qui est prête, chaque maison qui est monde payo, chaque aviateur qui est avia payo, tout chapelet qui est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait pour coucher dormi, tout aviateur a boué bouillot sous. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Chaque chapelet qui est poivre, chaque l'église qui est prête, chaque maison qui est monde, chaque aviateur qui est aviateur, tout chapelet qui est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison faite pour coucher dormir, tout aviateur a boué bouillot sous. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Pas grand sérieux pour collaborer. Pas grand sérieux pour collaborer. Pas grand rien sérieux. Tout chapelet qui est même prié. Qui est même prié. Il te met rouge. Il te met jaune. Il te met noir. Tout qui est même prié. Quoi faire ta vie même. C'est toujours même soi. Pas jamais rien l'autre sou. On sait que nous avons divisé soi. Parce que ça a pris rond. Ça a pris éclairé. Tout c'est même soi. Pas de différence dans fait soi. Parce que on sait que des nègres qui remettent rond. Yo remè wòm. Yon lòt seri pa remè wòm. Paske dou wòm nan ap chofè radyatè yo. Bon seri remè klerè. Paske dou klerè se rafreshi. Bon lòt kalite mèm sa avèk siv. Yo bwèl klerè. Avèk lay yo bwèl. Pa gran yon seri. Epi yon sel bagay mponè. Te koutan de kòk ap de ou lon kote. Boutè pari tatè. Te mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Boutè pari tatè. Mache boutè. Pa gran yon seri. Pa gran yon seri. Pas